Today is 13th of April, 2022. I will continue yesterday's Dhamma talk. Yesterday, I explained the sense of seeing. Our yogis, vipassana practitioners, have to take note of it attentively when it appears as seeing, seeing, seeing, noting it closely, the yogis can see clearly the mind and matter. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2022. Je vais continuer l'enseignement d'hier. Hier, j'ai expliqué à propos du sens de la vision. Nos yogis doivent noter ce qu'ils voient attentivement lorsque l'objet visuel apparaît. Ils notent voir, voir, voir de façon rapprochée. Et ensuite, les yogis, en agissant ainsi, peuvent voir clairement l'esprit et la matière. Voir la conscience visuelle et l'esprit qui note, cela relève de l'esprit. Et l'œil physique, ainsi que l'objet visuel ou l'image, cela relève de la matière. L'esprit, c'est une chose et la matière, c'en est une autre. Ces deux choses sont distinctes, elles sont séparées. Sans attention, on ne peut pas voir qu'elles sont séparées, qu'elles sont différentes. C'est pourquoi l'attention est très importante. L'attention avec aussi l'énergie mentale, l'énergie physique et la volonté, la détermination. Donc aujourd'hui, je vais continuer à parler à propos des sens. Si nos yogis peuvent voir clairement ce qui est l'esprit et ce qui est la matière, alors ils sont en mesure d'éliminer le concept, la vue fausse, Miccha Ditti. Mais quand nous ne pratiquons pas la méditation ou quand notre attention n'est pas suffisamment forte, nous croyons, lorsque nous voyons quelque chose, ceci c'est mon corps, je vois quelque chose ou je possède ce corps. Tout cela, ce n'est pas la compréhension juste. Si nous pratiquons Vipassana, nous voyons les choses clairement. Nous voyons qu'il n'y a que l'esprit et la matière, Nama et Rupa. Il n'y a pas de « il » ou de « elle », seulement des images, l'objet visuel, l'esprit qui note. Il y a seulement l'esprit qui note et l'objet noté. En notant de cette façon, nous éliminons le concept. Ensuite, nous voyons aussi qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est l'effet. Parce que nous notons, nous savons que l'objet, c'est la cause et que la vision, c'est l'effet. Sans l'objet, il n'y a pas de vision. Ça aussi, c'est la compréhension. Le yogi élimine la confusion. Grâce à Vipassana, la compréhension du yogi s'approfondit. C'est pourquoi nous devons noter de façon précise et de façon attentive. Je vais passer maintenant à l'audition, au sens de l'audition. Lorsque nous entendons un son, nous devons noter entendre, entendre, entendre de façon attentive et précise. Et alors que nous notons entendre attentivement, c'est la même chose que pour la vision, sauf que l'objet est différent. Les yeux ne peuvent pas entendre de son. Et donc lorsque nous notons entendre attentivement, nous voyons que l'audition se produit parce qu'il y a la sensibilité de l'oreille et parce qu'il y a l'objet sonore, parce qu'il y a le son. Et quand un son se produit, les yogis notent entendre, entendre, entendre, et il voit quatre choses. Il voit la sensibilité de l'oreille, le son, la conscience auditive et l'esprit qui note. La sensibilité de l'oreille, sota passada, la voix ou le son, sadaramana, la conscience auditive, sota vijnana, et la conscience qui note, entendre. Ce sont ces quatre éléments que le yogi peut voir clairement lorsqu'il note entendre de façon rapprochée. À ce moment-là, le yogi ne pense pas qu'il y a une personne. L'esprit ne va pas plus loin que le simple fait d'entendre, que l'audition pure. Il ne doit pas déterminer de quel type de son il s'agit. Est-ce que c'est un son plaisant? Est-ce que c'est un son déplaisant? Il ne va pas aussi loin. Il s'arrête au simple fait d'entendre. C'est la même chose que ce que j'ai expliqué pour la vision qui s'applique ici. Lorsqu'il note attentivement, les yogis peuvent parfois être conscients de l'oreille qui entend le plus clairement le son, l'oreille droite ou l'oreille gauche. Lorsque la prise de note est puissante, les yogis peuvent le savoir, ils peuvent en être conscients. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas le savoir, si vous ne parvenez pas à le savoir. Notez entendre et être conscient du son, cela suffit. Parfois, même si le son est très ténu, très petit, lorsque l'attention est forte, les yogis sont en mesure de le capter, de le distinguer. Certains yogis peuvent percevoir que le son n'est pas solide. Ils peuvent percevoir une séparation dans le son, une discontinuité dans le son. Un son apparaît, puis disparaît, puis un nouveau apparaît, puis disparaît. Ils peuvent percevoir différentes qualités dans le son. Tout ça dépend de l'attention. C'est pourquoi il faut noter attentivement et précisément. Je vais donc réciter l'enseignement du Bouddha, les paroles du Bouddha. Sotencha paticha sadde cha upajati cha sota vijnanam upajati sota vijnanam tinam sangati paso pasa pecheya vedana vedana pecheya tanha, etc. Donc ceci, c'est l'enseignement originel du Bouddha. Ce sont les mots originels du Bouddha. Et c'est conformément à cet enseignement que nous enseignons. Et en écoutant la récitation que je viens de faire, vous avez l'opportunité d'entendre les mots mêmes du Bouddha. Nous n'enseignons pas selon notre propre idée, nous enseignons conformément à ce que le Bouddha a enseigné. Pariyati, c'est l'étude de l'enseignement du Bouddha. Patipati, c'est la pratique conformément à l'enseignement du Bouddha. Les deux vont ensemble. Nous pratiquons la méditation et nous écoutons les enseignements, les Dhammatok. En écoutant, vous pourrez vous dire « Oh, c'est l'enseignement du Bouddha !» Et Sada, la confiance, la foi peut apparaître en vous. Et c'est pour cette raison que je récite les paroles du Bouddha à dessein pour susciter chez vous la foi ou la confiance. Est-ce que vous notez entendre lorsque vous entendez un son ? Oui, vous devez noter entendre. Mais si vous ne pouvez pas trouver un endroit calme, alors que vous pratiquez, vous pourriez entendre de nombreux sons, des avions, des voitures, etc. N'y prêtez pas attention. Concentrez-vous sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Lorsque l'esprit qui note pénétrera l'objet, vous pourriez ne plus entendre ces sons. Comme la prise de note est devenue puissante, elle colle à l'objet et l'esprit ne va nulle part. Mais parfois, de façon inopinée, vous pourriez prêter attention à un son. Et dès que c'est le cas, dès que vous entendez un son, notez-le, entendre, de façon attentive. Pourquoi est-ce que j'entends un son? C'est parce que j'ai une sensibilité auditive. Si je n'avais pas de sensibilité auditive, ce ne serait pas possible d'entendre. S'il n'y avait pas de son, ce ne serait pas possible d'entendre. S'il n'y avait pas de conscience auditive, ce ne serait pas possible d'entendre. Maintenant, vous notez entendre, entendre, parce que tous ces éléments sont présents. Vous êtes conscient de quatre choses distinctement. La sensibilité auditive, le son qui relève de rupa, de la matérialité, la conscience auditive et l'esprit qui note, qui relève de nama, l'esprit. Ça, c'est la compréhension du yogi. Le yogi est capable de distinguer l'esprit et la matière, nama et rupa. Utanena, pamadena, samyamena, damenacha. Donc, je parle pour l'instant de dhamma, D-A-M-A, non pas dhamma, D-H-A-2-M-A, c'est-à-dire le contrôle des sens. Si on note entendre, entendre de façon attentive, l'esprit ne va pas au-delà de l'audition. On ne se demande pas si le son vient d'un homme ou d'une femme, on n'y pense même pas. Et dès lors, il n'y a pas d'attachement, pas de saisie. Si l'attachement devient très problématique, il nous forcera à reprendre naissance dans le samsara. Vedana pechaya tanha, tanha pechaya upadana. La même chose vaut pour l'audition. J'ai expliqué hier à propos de la vision et la même chose vaut pour l'audition. Si nous ne notons pas de façon précise et si le son est plaisant, l'attachement va survenir. Si le son est déplaisant, c'est le ressentiment, la colère, l'aversion. Mais si la prise de note est précise, ni l'un ni l'autre ne se produiront. Ni l'aspect plaisant, ni l'aspect déplaisant n'apparaîtra. Et de cette façon, nous nous débarrassons de l'attachement, de la saisie, pour l'instant en tout cas. Nous les éliminons provisoirement. Tanha, l'attachement ou le désir, nous amène à reprendre naissance encore et encore dans le samsara, dans le cycle des renaissances. C'est pour cette raison que lorsque le Bouddha a atteint l'illumination complète, Sabbenyutanyana, lorsqu'il est devenu un Bouddha, il s'est réjoui. Il s'est réjoui d'être un Bouddha. Il avait parfait les 10 paramis, les 10 perfections, alors qu'il avait mis des années et des vies entières à parfaire afin de devenir un Bouddha, motivé qu'il était par le désir de voir les êtres libérés de la souffrance. Et le Bouddha a d'abord pratiqué lui-même pour se libérer, et ensuite il a enseigné comment échapper à la souffrance. Anekajati samsaram sandavisam anibisam. Il s'est exclamé au moment de son illumination. Je ne pouvais pas trouver le constructeur de cette maison, c'est-à-dire le constructeur du corps et de l'esprit. Et c'est pourquoi j'ai dû reprendre naissance encore et encore. Mais désormais, Tanha ne pourra plus m'amener à reprendre encore naissance. Tanha, donc le désir, ne pourra plus causer mes renaissances. Et c'est pour cette raison que nous pratiquons ce que le Bouddha a enseigné, Vipassana. Est-ce que vous voulez vous extraire du samsara? Est-ce que vous voulez éviter de devoir renaître encore et encore? Si c'est le cas, vous devez pratiquer. Vous devez pratiquer Vipassana de façon diligente afin d'atteindre un niveau dans la méditation qui vous évitera de devoir reprendre naissance. Lorsque la prise de note devient puissante, vous pouvez atteindre ce niveau. À présent, les yogis s'efforcent de le faire. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau, mais ils essayent. Dites-vous que chaque fois que vous prenez une note, vous êtes plus proche de Nibbana d'autant. Si vous prenez deux notes, si vous êtes capable de noter deux fois, Vous vous êtes rapproché de Nibbana de deux pas. Et ainsi de suite, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à ce que finalement, un jour, vous atteindrez le but. Donc, il ne faut pas abandonner. En particulier, s'il y a des douleurs, essayez d'être patient. Le plus souvent, les yogis pensent que la douleur empêche la pratique, est un obstacle. Ils ne peuvent pas gérer la douleur pour l'instant, mais en poursuivant une pratique diligente, en n'abandonnant pas, avec la détermination, un jour, ils y parviendront et ils seront capables de gérer la douleur, de gérer les ressentis déplaisants. Lorsque l'esprit est à l'aise, quel que soit l'objet, les yogis sont capables de le noter. Donc les engourdissements, les raideurs, la dureté, etc., tous ces ressentis désagréables, essayez d'être patient, n'abandonnez pas, notez tous les objets, quels qu'ils soient, les objets des sens, voir, entendre, etc. Ok, that's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently, ardently, and energetically. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Thank you.